Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que je vais faire. Je vais feuilleter un magazine avec vous. La semaine dernière, je suis allée en France et j'ai trouvé dans les kiosques à journaux le Figaro complet, ce qu'on appelle en France le Figaro complet, c'est-à-dire le journal et puis les suppléments de la fin de la semaine. Et donc, j'ai trouvé bien sûr Madame Figaro. Et j'étais très très intéressée parce que c'est un Madame Figaro spécial homme. Alors c'est formidable, on parle de nos hommes. Ah, la couverture est très belle. La couverture est en rouge et noir. Vous voyez, on penserait à Stendhal peut-être un petit peu. Est-ce Julien Sorel, celui qui est sur la couverture? Non, ce n'est pas Julien Sorel, je ne sais pas qui c'est, mais il est très élégant. Il est en noir, une espèce de redingote noire, donc vous savez messieurs, on portera de la redingote cet hiver. Une barbe pas trop soignée, enfin savamment soignée. Il nous regarde un petit peu par en dessous. Il est chouette. Bon, alors, on va se demander comment vont être nos hommes. Eh bien, on passe à la page 2. Et puis là, vous avez une publicité pour Ralph Lauren. Enfin, vous savez, je n'ai aucun intérêt à faire de la publicité à la radio Ussal. Mais bon, Ralph Lauren est là. Là encore, une redingote un petit peu serrée. Le pantalon plutôt étroit. On continue dans cette petite note avec un col roulé. Bon, c'est smart, c'est chic. À la page 11, je vois un nouveau parfum pour homme. Ça s'appelle L'Homme, de chez Yves Saint Laurent. Sensuel et magnétique. Et il nous est présenté par un acteur français qui s'appelle Olivier Martinez. Alors, Olivier Martinez, j'ai cherché, j'ai regardé voir qui c'était. Et j'ai trouvé quelque part qu'il avait des airs d'Hidalgo, nous dit-on. Ah, très bien, l'Espagne est toujours là. Bon, alors, j'ai continué à feuilleter. Et puis, à la page 22, eh bien, j'ai un petit article sur un monsieur, un petit jeune, qui s'appelle Alexis Mabille. Vous me parlez d'un nom, le pauvre homme. Le voilà affublé d'un triste nom. Mabille, je babille. Bon, vous voyez tout ce qu'on peut chercher. Il ne devait pas être heureux à l'école, le pauvre. Bon, alors, ce que j'ai constaté en regardant ce magazine, c'est qu'on voit arriver toute une série de mots et d'expressions qui ne sont ni dans le dictionnaire, ni dans la conversation courante, et qui commencent à pointer leur nez et qui deviendront certainement utiles pour se comprendre dans les années qui viennent. Par exemple, le mot « hip », H-Y-P-E, qui ressemble à « hyper », bien sûr, « hip ». Alors, par exemple, le monsieur Mabille en question, il est habillé en « casual hip ». Alors, j'ai cherché, et ça veut dire « à la mode ». Alors, le « casual hip », c'est cardigan en laine, surchemise en plume petite coton, jean rayé, nœud papillon, l'ensemble Alexis Mabille. Parce qu'il est, bien sûr, styliste, vous l'avez compris. Donc, tous ces mots, eh bien, il va falloir essayer de les retenir, parce qu'on va en avoir besoin, certainement, sans tarder. Alors, par exemple, à la page 38, eh bien, on nous parle du vestiaire d'hiver. Alors, écoutez, messieurs, vous allez être magnifiques. Comment vamos a vernos? A ver, aquí nos dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer, género de punto, grueso, con torsadé. Es difícil hablar español para la moda, porque la moda tiene muchas palabras en francés. Bon. Par exemple, une nouveauté. Una novedad muy bonita. Es el bolso 48 horas. Le sac 48 heures. Savez-vous ce que c'est qu'un sac 48 heures? Eh bien, c'est un sac un petit peu grand, pas trop grand, mais tout de même un petit peu grand. Sans logo apparent, maintenant c'est fini, on ne fait plus de la publicité dans la rue pour Chanel et les autres, c'est fini, plus de logo apparent, pratique, chic, hein, et qui sert pour les petits week-ends. Vous voyez, un petit sac, pas trop grand, qui sert pour les week-ends, 48 heures. Vous voyez, son nom le dit. Bon, on y reviendra, on va le retrouver un petit peu plus tard. Et par contre, ce qui est totalement interdit, c'est le multilogo bling-bling. avec chaîne et blason qui claque, réservé à Puff Daddy. Alors moi, Puff Daddy, je ne sais pas qui c'est, mais le multilogo Bling Bling, je suis quand même allée voir ce que c'était. Eh bien, figurez-vous que Bling Bling, ben, c'est une marque. C'est une marque chic pour personnes ayant de l'argent, genre aristocrate. Il faut être un petit peu aristocrate et puis avoir de l'argent. Ce n'est pas toujours facile. Les deux choses ne sont pas toujours compatibles. Bon. Alors donc, le Bling Bling, eh bien, ça sera une mode chic, de haut niveau, que le bas-peuple va évidemment essayer de s'approprier. Mais seulement quand le bas-peuple s'approprie des choses, après, ça va moins bien, parce que ça fait toujours un petit peu bas-peuple. Alors ça, c'est fini. Plus de multi-logo bling-bling. Voilà. Bon. Vous avez aussi le choix pour le look baraque. Ça, c'est à la page 40. Le look baraque, eh ben vous le voyez là, triomphant, avec la cravate au vent, la veste à l'épaule. « Always on the run », dit le commentaire, toujours pressé, toujours en train de gérer les situations, sans cesse en mouvement. Cette petite veste, c'est le symbole de l'activité renouvelée et constante. Voilà. Alors la montre, il faudra qu'elle soit un petit peu visible. Les bras de chemise, on peut les retourner. On peut retrousser ses manches de chemise. Ça fera même chic. Mais attention, il faut que ce soit une chemise blanche. Sinon, ça fait un petit peu prolo. Alors non, baraque, il est quand même pas prolo. Il faut faire plaisir à tout le monde. Bon. Alors, nos hommes. Qu'est-ce qu'on va trouver un petit peu plus loin ? Page 46, on va trouver un entretien de Paco Rabanne sur son nouveau parfum. Ça sent bon. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A au E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours, quand il se penche, mes nuits sont blanches. Et pour toujours. Et j'aime les notes au goût de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. Pour de chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits s'ennuient de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël à l'air d'un sage, et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. C'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille. Ça le fait rire comme un soleil. Alors Raphaël, eh bien on va lui mettre un petit peu Paco Rabanne. Ça ira certainement encore mieux. Alors Paco Rabanne, il nous a sorti un nouveau jus. Un frasquito qui tiene la forma de un lingote. Vous voyez, c'est pas ordinaire. C'est très joli. Un côté fric et frime. Vous savez ce que ça veut dire, ça, un côté fric et frime? Fric, vous savez, hein, c'est l'argent. Puis la frime, c'est el parecer. Alors, vous voyez, c'est quelque chose d'un petit peu voyant. Alors, on va lui reprocher, on lui demande. Mais dites, un parfum bling-bling en pleine récession, c'est pas un peu provoque? Non, c'est-à-dire provocateur. Eh bien, il se défend. Il pense que non, qu'on a toujours besoin d'un petit peu d'alchimie, d'un peu de magie. Bon, et alors, il va nous dire que c'est un jus qu'il ne passe pas inaperçu. un juguillo que no pasa desapercibido, avec quelques matières premières overdosées, simples et marquantes, avec une note de tête très fraîche. Attention, pas une note de tête comme du cuir de Russie, non, c'est un parfum moderne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va le porter? Eh bien, des hommes qui ont de l'humour et qui aiment le jeu, les belles femmes et les westerns, les hommes comme on les aime. Des flambeurs, vous savez ce que c'est qu'un flambeur, hein? Un flambeur, c'est le prototype de l'homme visible et voyant, sans note de traîne. Voilà. Évidemment, on ne va pas flairer le bonhomme à plus de 45 cm, ça c'est interdit. Alors, on essaiera. Ça coûte 46 euros. Oh, on peut bien faire ça pour avoir un homme qui sent bon. Et puis, à la page 62, ben voilà encore le sac 48 heures. Bon, mais il est joli ce petit sac. Voyez, alors ça sert à quoi? Eh bien, pour les femmes, c'est pour mettre une tenue de rechange avec une nuisette romantique, de lingerie sexy, et le tour est joué. Vous voyez un peu à quoi ça sert. C'est pensé aussi pour les citadins branchés, c'est-à-dire pour les hommes. Là, il y a un modèle pour hommes, en écossais, très joli, qui est indispensable pour les escapades en amoureux et les rendez-vous d'affaires aussi. Vous voyez, l'un n'empêche pas l'autre. Je vous dis le prix. Chez Jean-Paul Gaultier, ça coûte 2160 euros. Ah, ces hommes-là ne connaissent pas la crise. Bon, un petit peu plus loin, on va nous parler des standards de l'élégance. Et ça se trouve à la page 62. Voilà. Bon, alors la page 62... Qu'est-ce que nous avons à la page 62? Eh bien, nous avons des chemises, mais les chemises, finalement, elles sont toutes pareilles. Alors, on va passer à la page suivante. On va passer à la page 78. Et à la page 78, on va trouver un gars tout à fait sympa, qui s'appelle Frédéric Sanchez, encore un Espagnol, voyez. Alors, quand je vous parlais la semaine dernière de Le Clésio et qu'on parlait de nationalité, où est-ce qu'on est né et est-ce qu'on mérite le prix de ceci et le prix de cela parce qu'on a une telle nationalité ou une telle autre, finalement, qu'importe, regardez. Je vous ai déjà parlé d'Olivier Martinez. Maintenant, je vous parle de Frédéric Sanchez. Un beau ténébreux, un beau brun. Il est un petit peu triste. Moi, j'aime pas les tristes, mais bon. Et puis, à la page 82, mais en voilà encore un autre, Manuel Rivas. Resucita la guerra d'Espagne en una amplia novela en forma de ópera. Sol, violencia, política y sentimiento. Un cóctel que demuestra que la literatura ibérica goza de buena salud. Olé. C'était en français, mais je voulais traduire en espagnol. Vous voyez, avec un olé à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Manuel Rivas es el novelista de la memoria española. Allez, tâtez. On lui connaissait déjà trois livres impressionnants. En sauvage compagnie, Le crayon du charpentier et La langue des papillons. Bueno, pues ahora... Todavía más potente, más ambicioso y más bello en L'éclat dans l'abîme, que será una novela que no se olvidará. El gallego ha compuesto sobre la guerra civil una especie de ópera literaria con arranques poéticos, mezclando personajes y épocas al correr de los capítulos. Primero, Antonio Vidal, que se va un buen día de su pueblecito y llega a La Habana en 1904, después de una travesía de 14 días, con una única distracción, un capítulo que tiene por ahí de Ana Karenina para hacerle compañía. Bueno, esos son tiempos antiguos, anda que Galicia no ha cambiado. Pues nada, todo un artículo sobre Manuel Rivas. Muy bien. Entonces, L'éclat dans l'abîme, Mémoire d'un autodafé, Gallimard, 25 euros, traducido por Sergio Mestre. Muy bien. Serge Mestre, traducido al francés por un francófono, me imagino. Muy bien. Seguimos y he encontrado en la página 104 una palabra muy curiosa. Es la palabra bespoke. La palabra bespoke pues nos lleva a Inglaterra. Ya sabéis que la elegancia está en Inglaterra. Bueno, pues bespoke es costura a medida, pero más que a medida todavía. Es hablando personalmente con el sastre. Muy bien. Entonces ya nuestros hombres tienen que hacer mucho viaje, mucho viaje europeo. En fin. Si queréis, miráis en la revista y ahí veis toda una colección de sastres, de trajes. Sastre, prêt-à-porter, moi, una maravilla. Alors, messieurs, mettez-vous à la mode, ça nous fera bien plaisir. On ne veut pas vous voir toujours avec ces boutons boutonnés là devant, tout ça. Non, un petit peu de style. Allez, vous nous promettez que vous allez être beau toute l'année, tout l'hiver. Vous allez égayer notre hiver. Allez, d'avance, merci et à la semaine prochaine.